Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 108. On est mardi matin, le 13 septembre 2022. C'est plate qu'on soit plus en 1900, on pouvait dire 1900. 1923, 1999. C'était le fun. C'était une belle époque. Mais non, on est vieux. On vieillit. Bon, ben, c'est l'heure d'un nouveau spectacle, encore une fois. J'ai pas eu le temps d'en faire un la semaine prochaine, mais il y avait Rétro Nouveau. Puis, tu sais, je me dis, au moins, quand il y a Rétro Nouveau, on a une présence. Mais il y aura un Rétro Nouveau demain aussi, là, d'ailleurs. Faut que j'upload le visuel. On a JF qui a presque pogné la COVID. Finalement, il l'a pas pogné. Pour l'instant, fait qu'il devrait avoir Rétro Nouveau demain. Mais là, on est mardi, fait que j'enregistre mon show. Et j'ai pas tant de sujets à parler, pour être franc. Fait que ça va être un peu divagatoire, si cela est un terme. Je suis pas tout à fait réveillé encore non plus. J'ai pas bu beaucoup de café, là. Puis je suis venu en étobus parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Puis quand il pleut, je prends l'étobus. Mais j'aime bien venir travailler en vélo l'été. Ça me fait une chevelure de casque. Mais j'économise sur étiquette. Et puis ça me fait faire un bel exercice, puis ça me réveille. Fait que, dernière nouvelle, il y a l'ami Samuel Girard qui pseudonymisé. Oh my god, ça fait quasiment sodomisé, ça. C'est pas bien beau. Dont le pseudonyme est Ace Gamer Sam. Vous connaissez Ace Gamer Sam? C'est un collectionneur, Twitcher, québécois, que j'ai connu parce que... Ben, je connais pas personnellement, mais il avait communiqué avec Retro MTL pour faire un petit truc, et puis il nous achète des jeux, puis je le vois passer, puis tout ça. Donc, je sais qu'il existe, je sais qu'il est actif sur Twitch beaucoup, puis c'est merveilleux. Mais moi, je me tiens pas vraiment là, alors je suis pas très au fait ni au courant. Mais je sais qu'il existe, et puis il a révélé dernièrement l'accomplissement d'un grand projet, c'est-à-dire qu'il a terminé tous les jeux de Nintendo 64. Tous les jeux. Il les a faits un par un. Ça y a pris 5 ans à faire ça. Et puis, voilà. C'est un projet de passion. Il y a un article sur Kotaku que vous pouvez lire en profondeur. Tapez Ace Gamer Sam Kotaku, vous allez tomber là-dessus. Puis, ça a été couvert. Ah oui, ça a passé à TV. Je l'ai vu à TV. À TVA. Et puis, sûrement que ça a été couvert par les médias locaux. Là, RDS, Space to Start, tout ça aussi. Donc, un très bel accomplissement. Ben, je l'avais partagé même sur ma page. Donc, sur les pages même. J'ai pitché ça partout. Pourquoi est-ce que j'en fais tout un plat? Parce que moi, je trouve ça magnifique. Les gens qui ont un but et puis qui se le fixent et qui le réalisent, tu sais. Puis, peu importe le but, là, tu sais, il faut que ça soit n'importe quoi. Quelque chose que tu veux faire et tu le fais. Je trouve ça admirable. Excusez, je vais boire beaucoup de café, je suis pas réveillé du tout. Je trouve ça admirable, et puis là, c'est le fun, c'est des jeux vidéo en plus. Vous me direz, c'est du 64, c'est de la merde, je suis d'accord. Mais c'est une joke. Mais pas d'intérêt pour ça, mais moi j'ai de l'intérêt pour les passionnés. Et puis c'est de la passion. Et puis c'est de la passion concentrée vers un objectif qui a été atteint, tu sais. Donc... outre le fait que c'est le fun que ce soit des jeux vidéo, bien sûr, c'est une réalisation personnelle. Et puis, j'admire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé tout ça. Et puis, j'ai vu des commentaires quand même, puis il fallait s'y en attendre. Du genre, « Non, mais pas de vie, man, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille, t'as pogné le cul, esti, a le temps de faire ça. On travaille, nous autres, esti, lui, il se pogne le cul dans le sous-sol à sa mère à jouer. Tu vois le genre, tu sais. » Puis moi, ça, là, ça j'ai bien de la misère avec ça, tu sais. Justement, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, tu sais, qui a réalisé quelque chose. C'est sur 5 ans, là. Oublie pas ça, là, tu sais. Là, c'est rien que parce que c'est des jeux vidéo. En plus, le monde, ils voient ça, ils sont comme, tu des jeux vidéo, on sait bien, le barnac, quelqu'un le sous-sol, tu sais, ta mère. Puis, pas de vie, puis tout ça, tu sais. Fait que les jeux vidéo, déjà là, ça part avec deux prises, tu sais, parce que ça a cette réputation-là, malheureusement. Mais c'est juste la fucking haine, tu sais, le monde qui sont désagréables, tu sais. Le monde, est... toi, t'as réalisé quoi? Combien t'en as lâché de projets, tu sais, que t'as pas mené à terme? Ou combien tu voudrais en faire de projets que t'oses même pas entamer, tu sais? Toi, là, dans ta famille, là, avec tes enfants, c'ti, à passer à la tondeuse, puis aller faire l'épicerie, puis avoir une job moyenne, puis être pas si heureux que ça, qui chiale là-dessus, tu sais. C'est toi le problème, là. Lui, là, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Il se dit, fuck, je vais finir les jeux de 64. Il fait tout ça sur Twitch. J'ai tout enregistré sur YouTube. En passant, on peut aller voir tout ça sur son channel. Allez tout voir ça si ça vous tente. Lui, il a eu du fun à faire ça. Puis il s'est rendu jusqu'au bout. Il s'est dit, cette chose-là va m'offrir du plaisir et j'irai vers le plaisir et voilà, et c'est tout. Y a-tu inventé quelque chose qui va sauver l'humanité? Non. Toi, t'as-tu inventé quelque chose qui va sauver l'humanité quand t'étais foiré dans TV à écouter Netflix ou whatever? Non, je pense pas. Fait que, ben, t'as peut-être inventé quelque chose qui va sauver l'humanité hein? Parce que t'as fait des enfants, puis peut-être un de tes enfants sera pas trop épais, puis il va devenir quelqu'un. Mais à part ça, si tu le traites un peu comme tu traites ce pauvre Ace Gamer Sam dans les commentaires, ça risque non, tu sais. Fait que c'est ça le problème là-dedans. moi, j'haïs ça. Moi, ça m'énerve, ça, tu sais, le monde, la... C'est pas de la haine, tu sais, c'est juste comme... C'est encore le laugh emoji, tu sais, sur Facebook, c'est... C'est que ça, c'est de la condescendance, man. C'est de la merde. Et puis, j'étais bien attristé de voir qu'il y a des affaires de même, tu sais. Fait que, pensez-y, là. Lui, il a pris le temps de faire ça, il a réussi ça. Et puis, toi, t'as probablement pas réussi bien des affaires. Puis moi, j'ai pas réussi bien des affaires aussi. Mais il y en a aussi que j'ai réussi. Puis le monde chiait sur mes affaires, réussi aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça me rejoint un petit peu des fois. Les gens qui chient sur les gens... pour des réussites, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Fait que c'est ça. Fallait que j'en parle. Donc, bravo Sam, et puis j'espère que ton prochain sera Super NES peut-être. T'étais peut-être trop jeune pour ça, pour avoir un grand intérêt pour le Super NES. Puis c'est gigantesque, il y a deux fois plus de jeux, et puis ils sont sûrement tous très longs. Mais au moins, faut que je me mette dans le Super NES, là, justement. Mon full set avance, puis je pense que je vais le finir. Si je le finis pas cette année, si je le finis cette année, c'est comme, je m'y attends pas. Mais il m'en restera pas beaucoup, probablement, tu sais. J'ai toujours pas fait un fameux appel au large, genre tous les groupes Facebook. « Hey, je vais acheter toutes vos fillers en bon état, rien que pour finir ça le plus vite possible. » Tu sais, j'ai pas encore fait ça, parce que ça rentre au compte-gouttes ici chez RetroMTL, puis il y en a tout le temps... des parages, des amis, puis tout ça. Fait que ça avance malgré tout. Mais j'aurai fini ça en 2023, ça, j'en suis convaincu. Puis c'est ça. Donc, je me rends compte, en faisant full set du Super NES, que je connais pas tant que ça, la librairie du Super NES. On connaît toute la 20, trentaine, quarantaine de bons jeux, d'excellents jeux. Il y a plein de jeux qui sont corrects, qu'on savait pas, comme Bunker. J'ai acheté ça, B-O-N-K-R. Un Bunker de... Pas le bunker de Mom Boucher, là. Et puis, j'ai joué à ça en fin de semaine, ça, parce que je l'ai acheté au Game Over à Saint-Hubert, et puis les gens, je vous ai partagé ça. Puis les gens, ils ont dit, mais c'est un bon jeu, ça, Bunker. Alors, j'avais jamais joué à ça, et puis j'ai juste eu le temps de jouer à un niveau. Je me suis rendu au boss du premier niveau, il a fallu que je ferme ça. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, il y a plein de jeux comme ça, les Jetsons, Inspecteur Gadget, je sais pas quoi. Faut que je veux me mettre à explorer ça. Et puis là, je vais terminer aussi mon encyclopédie NES de Pat Country. Ça fait, je suis là-dessus depuis 2 ans, genre. J'ai lu du début à la fin. Je veux lire du début à la fin tous les mots qu'il y a dans ce livre-là. Tu sais, je veux pas juste lire les jeux qui m'intéressent, skipper les chroniques au début. Je lis tout, tout, tout. Et puis j'ai presque terminé, mais genre 3 pages, là, t'sais. Fait que je vais terminer ça, puis là, je vais entamer Super NES. Puis je vais lire tous les jeux de Super NES, puis ça va me mettre dedans, puis ça va me faire découvrir des jeux, puis je vais vouloir essayer ça. Donc, Samuel, si tu veux faire le Super NES, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu, puis ça nous en ferait tous découvrir beaucoup. Voilà. Ah, j'étais en Beauce dernièrement, vous avez vu ma publication Facebook. Pour la fête du travail, je suis allé en Beauce. Je rappelle aux gens que je suis beauceron, natif de Saint-Joseph de Beauce. Je rappelle encore une fois que Saint-Joseph, c'est Quand tu pars de Québec, tu vas vers le sud, t'as Scott Junction, en gros, là, les plus gros. Scott Junction, Vallée Junction. Scott Junction, Sainte-Marie, Vallée Junction, Saint-Joseph et Beauceville-Saint-Georges et les États-Unis. Fait que t'as ça, puis ça, c'est comme tu suis la rivière Chaudière dans le creux de la vallée. C'est une vallée, tu sais, la Beauce. Mais quand tu vas sur les autres côtés, en Est, en Ouest, il y a plein d'autres villages, là, tu sais. Je dis ça rien que pour situer les gens. Là. Je suis né à Saint-Joseph, il y a 5000 habitants, un peu moins. Saint-Georges, c'est la plus grosse ville, mais c'est la plus au sud. Et Sainte-Marie, c'est avant, quand même plus grosse ville aussi. Et puis, j'ai quitté Saint-Joseph à 17 ans pour aller étudier à Sherbrooke. Et puis, il était temps que je m'en aille. À Saint-Joseph, à la fête du travail, il y a tout le temps une grande activité. Il y a l'OTJ, qu'on appelle, donc le centre des loisirs. C'est sur le bord de la rivière, à côté du pont. Et puis là, il y a une cabane, et puis un chalet, une bâtisse dans lequel ils peuvent recevoir du monde, mettre le stock de baseball, des affaires de même. Et puis, il y a un terrain de baseball, terrain de tennis. Dans mon temps, il avait fait une rampe de skate, terrain de basketball, et puis stationnement. Aujourd'hui, il y a des terrains de soccer aussi, puis des affaires. Ils ont rajouté bien des choses avec les années. Et puis, à chaque fête du travail, ils érigent une tente géante sur le terrain de basket, là, qui prend toute la place. C'est toujours la même, c'est la grosse affaire. Et puis, il y a des camions, des vrais de vrais camions, mesdames et messieurs. Donc, il y a une parade de camions. Non, il y a une course de camions. Ça, c'est plus important, là. C'est, quand je dis camions, c'est des semi-remorques. Pas de remorques accrochées, bien sûr. Donc, vu qu'on est dans le creux d'une vallée, il y a des côtes de chaque bord, tu sais. Puis la côte du côté du village, tu sais, est comme proche de la rivière, puis les maisons, tout est là, bref. Mais là, pour monter puis t'en aller, il faut que tu montes la côte. Et puis, c'est une côte assez à pic. Et puis, il y a plusieurs côtes là, qui montent, là, des rues. Et puis, il y a une rue avec les écoles. Donc, il y a trois écoles à Saint-Joseph. La première du bord, l'école Dioville, où est-ce qu'on fait première, deuxième, troisième année. École Lambert, où est-ce qu'on fait 4, 5, 6, dans le milieu de la côte. Et puis, en haut, la polyvalente Veilleux, qui fait toute la secondaire et qui ramasse aussi les gens des villages autour. Parce qu'il n'y a pas des polyvalentes dans tous les petits villages, là, on s'entend. Fait tout le monde vient dans la polyvalente Veilleux de Saint-Joseph. Et ça, c'est la côte des écoles. Et puis, c'est cette côte-là que les camions, ils montent. Fait qu'ils partent d'en bas, puis ils clenchent. Puis c'est le premier qui se rend en haut, tu sais. Fait que c'est ça. C'est comme de la drague, mais monter une côte. Donc, ils ont instauré ça depuis il y a super longtemps. Fait que ça fait de la pollution, ça boucane, ça fait du bruit, c'est malade. C'est dégueulasse. Et puis, j'allais là, je savais que ça existait. Je me suis jamais tenu là, tu sais. Puis moi, j'étais un ado, je suis comme allé voir les courses de camions. Je m'en fous. Mais ça fait partie de mon village d'enfance, tu sais. Puis, l'après-midi, c'est les mêmes camions. Je sais même pas si c'est toutes les mêmes hein, qui se mettent dedans. Je me suis jamais renseigné. Mais il y a une parade de camions. Donc là, tous ces beaux camions-là et beaucoup d'autres traverse le village très tranquillement à une vitesse de 5 km/h, un en arrière de l'autre, en klaxonnant, puis en faisant brrrr, puis en pesant sur le gaz, puis sur le brake, whatever. Il y en a même qui font des ronds de boucan, tu sais, comme avec une cigarette, là, mais ils font ça avec leur cheminée de camion. C'est incroyable. Fait que là, c'est ça, c'est la démonstration des beaux camions. Puis là, il y a, mettons, un truc express à Beauceville. Lui, il y a des camions mauves. Puis là, il en met 6. 6 camions pareils de choses machin express qui passent. Yeah! Là, je pense qu'ils ont ajusté ça avec le temps. Tu sais, c'était complètement ridicule. Là. Ça fait de la pub. Mais pour ceux qui ont besoin de se magasiner une compagnie de transport, n'est-ce pas? Mais le camionnage, c'est bien important en Beauce, du moins à Saint-Joseph, à ce que j'ai compris, parce qu'il y a des usines partout, puis il y a du transport, tout. Fait que c'est ça. Mais comme c'est la fierté, tu sais. Puis je comprends ça. Je sais pas comment ça marche exactement. Être camionneur, tu peux être camionneur pour une compagnie, tu peux avoir ton propre camion puis être camionneur autonome, je pense. Ou tu peux comme racheter ton camion avec le temps, je sais pas quoi. Fait que. D'ailleurs, je suis pas en train de rire des camionneurs. Là. J'ai un métier tout à fait honorable et très difficile que je ne saurais pas faire, ça c'est clair. Puis c'est pas évident. Mais moi, c'est juste comme le package de la fête du travail puis de la boucane. Puis là, vous comprendrez qu'à la tente, à l'OTJ, le monde, il saoule la gueule, puis il n'y a rien d'autre à faire là. Il y a du monde chaud, raide, partout dans le village, ça gueule, puis c'est du monde à côté, c'est l'enfer. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça, puis là j'étais tout excité de retourner vivre ça après tant d'années. Et puis ça n'a pas bien changé. Ben ce qui a changé par contre, c'est qu'on rentabilisait ça, et bravo Saint-Joseph, parce qu'avant ça coûtait rien tout ça, les camions allaient là, puis d'attitude. Mais là, c'est toute une organisation, il y a des clôtures des gens, puis ça c'est géré, ça coûte 45$ la fin de semaine au complet pour voir toutes les courses. Et puis, il y a du camping partout sur les terres, là, au bord de la rivière, là, les terres agricoles, dans le village, le monde, ils louent leurs entrées, puis il y a du monde partout. C'est comme un genre de Saint-Tite, mais plus petit, tu sais. Fait que je dois dire que c'est quand même très impressionnant, que ça fait des très beaux revenus pour la ville. Donc, ça, c'est très bien. C'est très bien, ben bravo, faites de l'argent. Puis là, je rigole, mais ces camions-là, c'est populaire. Hein? Le monde, ils viennent de loin pour checker ça. Puis ça doit être sur YouTube, TikTok. Vous pouvez trouver tout ça. Donc, on ira tous ensemble, mes Patreons, l'année prochaine au camion. Fait que j'ai pas vu personne que je connaissais tout le temps. Ben, c'est pas vrai, là. J'en ai vu quelques-uns, là, mais. Peu, en fait, très peu, dont du monde qui sont ici à Montréal, qui étaient là-bas pour la fin de semaine, tu sais, mais je m'attendais à voir bien du monde, mais je me rends compte que je connais plus grand monde là-bas, tu sais. Mais ça faisait du bien, comme d'être juste en Beauce, et puis quand je vais en Beauce et que j'ai le temps, j'aime bien aller à Saint-Georges au magasin Free Game, dont je vous ai parlé sur Facebook, et puis Free Game est une franchise, il y en avait un à Thetford Mines, il y en avait un à Sainte-Marie-de-Beauce et à Saint-Georges-de-Beauce et il y en a un à Saint-Romuald, je pense, ou Saint-Nicolas, je sais plus, je sais jamais. C'est ça. Puis lui, c'est la maison mère, je pense, c'est le gros, là, tu sais. Fait que le seul qui reste, c'est lui, le gros, et celui de Saint-Georges, il me semble, que c'est l'information que j'ai retenue. C'est plate, j'aimais bien aller à Sainte-Marie aussi quand j'allais en Beauce, mais fait que je vais à Saint-Georges, tu sais, je vais faire mon tour. Puis, il y a très longtemps, genre il y a 10 ans ou quoi que ce soit, je trouvais des belles choses là-dedans. J'avais pogné un Batman Returns au NES complet en boîte, mint, ça je me souviens de ça. Run Saber au Super NES pour des peanuts, tu sais, puis des affaires de même. Il y avait moyen de moyenner dans le temps, il y avait plus de jeux. Mais avec les années, comme tout le bon stock est parti, c'est fait acheter. Tu sais, avec la popularité montante des jeux rétro, les gens sont garochés dans ce magasin-là, mais on dirait que les gens ils ont pas ramené des affaires, tu sais, ça te prend du rachat pour faire du roulement dans l'usager, là, tu sais. Ici, à Montréal, on a énormément là, du rachat, on fait ça à longueur de journée, puis on en refuse, puis il y a de la demande, puis il y a beaucoup d'offres, surtout ces temps-ci. Mais là-bas, à Saint-Georges, je pense qu'ils sont 30 000, 35 000, quelque chose de même. Pas tout le monde, tu sais, un coup que tu as vendu un S à tout le monde qui en veut un, il va peut-être te le ramener, puis après ça, tu le vends à qui? Parce que tu fais pas dans la ligne, ils font pas dans la ligne non plus, là. Eux autres non plus. Fait que, qu'est-ce que tu veux? T'sais, à un moment donné, tu as fait le tour, là, le monde, ils vont pas partir de Saint-Benjamin. Saint-Benjamin, c'est ça de même. Je sais même pas s'il y a un Saint-Benjamin en Beauce. Bref. C'est pas évident, c'est pas parce qu'ils font mal, c'est que je pense que la demande ne peut pas être plus grande que ça, tu sais, ni l'offre, fait qu'ils sont comme jamais de même. Mais ils ont bien des cartes, là, en tout cas. Les cartes, ça a pris le dessus dans ce magasin-là. Il y avait un mur complet de pop. Ces pop-là, hein, c'est. Tu sais, un jour, Retro MTL va déménager dans plus grand. Et puis, on travaille sur le dossier présentement, puis dans 2 semaines, à peu près, on va peut-être avoir une étape importante là-dessus. C'est très excitant. Mais même si on aura de la place, je suis pas sûr, les figurines pop. Moi, ça me fait peur. Je connais rien là-dedans, puis on m'a dit que, tu sais, il faut que tu ailles les bons, puis il y a comme, faut que tu ailles les nouveautés, puis tu restes pogné avec ça, puis tu sais, Caroline, j'aime pas ça, là. J'ai comme l'impression que c'est un gouffre financier, cette affaire-là. Je sais pas si les marges sont bonnes, sûrement. Sûrement, mais ça prend de la place. Faut tout le temps que tu renouvelles ça. Qu'est-ce que tu fais avec les vieux que personne veut? T'sais? C'est du stock neuf, ça, pareil. Ça, faut que tu dompes ça, whatever. Ça fait peur. Mais il y en avait. Mais c'est ça. Donc, depuis des années, je vais là à Free Game Saint-Georges. J'aime tout le temps ça y aller parce que j'aime ça aller dans les magasins de jeux vidéo. T'sais. Puis, il n'y a jamais rien. Mais là, maintenant, ma situation est que je fais un full set Super NES. Donc, toute la marde en bon état, pas cher, que j'ai pas, je l'achète. Donc ça me permet de fouiller dans les cochonneries du Super NES. Fait que j'ai un nouveau but. Fait que là, j'ai pu ramasser 3 petits jeux du Super NES là-dedans. Et puis, je check toujours aussi pour les jeux de Game Boy Color. J'ai des petits jeux là, que je désire acheter pour jouer, Game Gear, des petites affaires de même. Fait que moi, ma routine, c'est tout le temps de checker la marque de Super NES, checker toutes les 5 screws pour les upgrades de NES, après ça, checker les catalogues de loose de jeux Game Boy Color. Game Boy, j'ai tout. J'ai pas tant besoin d'upgrade, ça c'est pas mal complet. Fait que c'est pas mal ça, ma routine. Puis là, c'est là que je suis tombé sur le fameux Super C 5 Screws que vous avez vu sur ma page Facebook. Je vais en reparler un peu, mais j'en reviens pas, là, tu sais. Puis les 5 Screws, c'est le fun à regarder parce que la tranche, il n'y a pas les 2 petites pins, tu sais, fait que tu les vois tout de suite. Fait que j'ai comme vu ça tout de suite dans le présentoir. Je suis comme, oh my god, man, c'est complètement fou. Fait que c'est ça. Je vais le résumer très vite pour ceux qui n'ont pas vu ça sur ma page Facebook. 5 Screws. Il y a des jeux à 3 vis et des jeux à 5 vis. Les jeux à 5 vis, c'est la première génération de cassettes Nintendo, NES qui ont été faites. Il y avait 5 vis en arrière. Après ça, les années ont passé. Ils se sont mis à faire des jeux avec 3 vis en arrière seulement et 2 clips sur le dessus. Pas d'exemple ici. Et voilà. Et puis, Super C, donc Contra 2, entre guillemets, est un jeu vraiment plus récent. Donc, impossible qu'à son époque de production, il ait pu être fait en 5 screws. C'était du passé déjà. Mais il l'est. J'en ai trouvé un qui l'est. Et puis, 5 screws, 5 vis. Et puis, les labels est legit 100%. Ça, je le voyais tout de suite. Il n'y a pas de sticker en arrière là, avec des instructions de ne pas mettre la cassette dans l'eau, whatever. Puis, les vis, ça c'est important, c'est des vis plus récentes, les safety screws. Donc, celle que ça te prend un tournevis bizarre. Parce que les 5 screws, à l'origine, c'est des vis plates. Avec un petit tournevis plate, t'es capable d'ouvrir les cassettes. Puis après ça, ils ont fait les safety screws Nintendo, que ça te prend un tournevis spécial comme aujourd'hui, tu sais, pour ouvrir ces cassettes-là. Et c'est les mêmes screws pour Super NES et Game Boy. Fait que, c'est ça. Comme, il y a des vis récentes là-dessus, mais c'est un 5 screw. Puis il n'y a pas de label en arrière, mais le label en avant est legit. Fait que, je suis complètement fucké de voir ça. Fait que j'ai pitché ça sur Facebook et puis un autre groupe, des groupes ontariens ici au Québec, ma page, un autre groupe de Facebook de variants. Donc, le consensus général semble être que dans le temps, quand tu avais, mettons, ton Super C qui était brisé, justement, tu leur shippais. Là, je sais pas si tu l'envoyais à Konami direct. Konami USA, ça doit exister, ça, j'imagine. Tu l'envoyais là. Puis eux, ils t'en renvoyaient un autre. Ils en faisaient un autre dans des coquilles de 5 screws, puis ils t'en renvoyaient ça. Pourquoi est-ce qu'il y avait des coquilles de 5 screws pour faire ça? Apparemment que quand l'ère des 5 screws s'est terminée, Nintendo a vendu ses coquilles restantes à toutes les third parties, même qui en auraient éventuellement besoin pour des réparations. Fait que c'est pour ça qu'il y aurait des 5 screws de même chez Konami. Mais... ou ça pourrait, il y a des gens qui disent aussi que ça pourrait être des démos puis tout ça, puis peut-être, tu sais, mais il y a personne qui a l'explication précise à pourquoi ces drôles d'affaires là de Konami existent, parce qu'il y a juste Konami aussi que ces variants là des 5 screws récents qui devraient pas. Donc Konami, quand je dis Konami, c'est aussi Ultra Games, donc les Turtles, puis ces jeux là, tu sais, avec les bandes noires là. Donc Konami ont fait ça, donc c'est étrange. Puis, combien ça vaut? C'est ça la grosse question. Personne ne peut vraiment le savoir. Ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'avoir. Moi, je pense que si je le mettais sur eBay en auction, je pourrais facilement avoir 500-600$. Est-ce que j'aurais 5000? J'en doute. Est-ce que je pourrais le vendre sur Facebook à des groupes, genre, parce que justement, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a communiqué avec moi qui voulait me l'acheter, tu sais. Mais je préfère le garder. Je m'en fous, là. J'ai pas besoin de 500$, là, tu sais. On a tous besoin de 500$, mais j'ai pas besoin de 500$ pour cette affaire-là, tu sais. 500$, c'est une épicerie et demie, là, tu sais, je m'en sac, là. Fait que je vais garder cet objet-là dans ma collection, puis c'est très joli. Puis c'est une belle chasse, là, je suis content. Mes amis chase, là, ils vont les vendre de garage, les affaires, ramont du stock. Là, je suis comme, Chris, je trouve jamais rien. Ben, je vais jamais nulle part aussi, mais pas le temps. Mais quand j'ai le temps, j'y vais, puis là, je suis content, j'ai scoré de quoi. En Beauce aussi, je suis passé à Saint-Édouard de Frampton, donc à la microbrasserie Frampton Brass. Et puis, Saint-Édouard de Frampton est connu pour le Miller Zoo, bien sûr, que vous avez peut-être vu à TVA, à télévision, dont le propriétaire est Clifford Miller. J'ai joué au hockey avec lui quand j'étais petit. Quand j'étais allé à son zoo il n'y a pas si longtemps, j'y ai parlé un peu. C'était bien drôle de voir ça. Quel homme d'affaires quand même. J'ai lu le livre parce que j'ai reçu le livre. Les éditions de l'Homme m'ont envoyé ce livre-là aussi. Les éditions de l'Homme est en train de faire de moi quelqu'un de très cultivé en m'envoyant plein de livres. Donc, merci beaucoup. C'est drôle. À tout moment donné, whoop, une enveloppe avec un livre. Fait que bravo Cliff pour ton zoo, c'est absolument incroyable, très bel business et puis ça n'a pas été facile. Puis lui aussi dans son livre, il était victime de genre, voyons, hostie, retourne travailler à la shop, les animaux, les zoos, hein, des girafes, ta gueule. Fait que les gens sont ainsi. Mais il a travaillé fort puis il est arrivé puis à cette heure, il a une belle business très respectable à Frampton. Et puis... oui, c'est ça. Donc, la microbrasserie Frampton Brass est un autre exemple de réussite et de très beaux projets d'affaires. En Beauce, il n'y a pas tant de microbrasseries. Puis, je trouve ça étrange. On m'a dit qu'à Tring Junction, il y avait La Soifée. Je ne connais pas ça. Je ne savais pas que ça existait, mais on m'a dit ça. Et puis, d'ailleurs, hein, vous m'avez entendu dire des noms de villages Jonction. Vallée Jonction, Scott Jonction, Tring Junction. Ça s'appelle Jonction parce que le chemin de fer passait à travers ces villages-là. Puis chacun de ces villages-là a une gare. Et puis voilà. Donc c'était des jonctions, un passage obligé des trains dans le temps. Et puis la gare de Tring, d'ailleurs, j'espère qu'ils l'ont rénové un peu. Il me semble qu'elle était à l'abandon la dernière fois que je l'ai vue. Scott, je sais pas, je vais jamais à Scott Jonction. C'est trop proche de Québec, j'ai rien à faire là. Les autres, je suis proche en char quand j'étais à Saint-Joseph, tu sais. Puis à Tring, puis à Vallée-Jonction, ils ont rénové la gare, puis ils ont fait un petit musée, tout ça. Ils ont fait de quoi de beau. Fait que la prochaine fois que j'irai à Tring, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? C'est ça. Ouais. Donc, Frampton. Ben, c'est ça. Il n'y a pas d'autres microbrasseries que je connais, tu sais. Fait que je vais me renseigner là-dessus. Mais c'est ça. Frampton Brass est quand même gros, puis quand on pense microbrasserie, Boss Run, c'est eux autres, là, tu sais. Et puis, ils ont plein de produits et tout ça, qui sont également disponibles ici à Montréal, mais je ne sais pas s'ils le sont encore beaucoup. Moi, pour être franc, je les trouve adéquats, les produits Frampton Brass. Ils sont pas tant hot dans le IPA, je trouve, mais lager, tout ça, c'était bien. Je sais qu'ils ont des rousses et puis des stouts, des pale ale, tout ça... c'est très respectable, c'est des styles que j'aime un peu moins personnellement, fait que je ne saurais dire, mais c'est pas très populaire, du moins par ici. Là-bas, oui, parce que c'est ça qu'il y a, mais attention, hein, en Beauce, n'oubliez pas que c'est le royaume de la Bud Light, puis de la Michelob Ultra, de la Coors Light. Là. C'est pas évident d'enlever ça comme habitude aux gens, là, Budweiser, puis ça n'arrête pas. Fait que... de convertir les gens à boire de la micro, tu sais, en Beauce, c'est pas terminé, là. C'est un projet, là, tu sais. Fait que peut-être qu'il n'y en a pas assez en Beauce pour que les gens développent leur palais, se rendent compte que Frampton, c'est pas si hot que ça. Mais c'est hot aussi, mais moi, c'est ça. C'est bien, c'est bon, puis c'est un bel business, puis tout ça. Mais c'est pas tant les produits que je trouve... si hot, là, tu sais. Fait que j'en achète pas ici à Montréal. Mais aussi, surtout, c'est parce qu'ils font de la bouteille seulement. Puis, man, c'est fini la bouteille, là. Même pas des grosses bouteilles, là, comme Dunham ou whatever, des affaires, des brassins spéciales, je sais pas quoi. Ils font des petites bouteilles brunes, là, comme de Molson X, tu sais. Fait que c'est pas plaisant acheter ça, parce que tu peux pas acheter ça à l'unité non plus. Fait que tu veux te prendre... une NAPA ou ben de quoi, tu sais, un stout impérial, t'es comme avec 4, tu sais. Moi, j'en voulais juste une, tu sais, je voulais comme un pack différent, tout ça. Fait que j'étais comme pogné avec les maudites bouteilles, puis là, tu sais, clink, les bouteilles, man, moi, il y a tellement de canettes ici, puis je magasine tellement par canette, c'est rare que j'achète des bouteilles, sauf genre la microbrasserie Sutton, qui a beaucoup de bouteilles. Sutton puis Dunham, tu sais, c'est les bouteilles que j'achète, ou des fois des affaires très spéciales, ou des brassins très spéciaux pour certaines brasseries, whatever. Mais de la petite bouteille, là, style Molson X, mais c'est fini, là, tu sais. Puis faut qu'ils arrêtent ça, là, tu sais. Il y aurait leurs produits en canne, avec un beau branding, puis tout. Je suis sûr que les gens en achèteraient plus, tu sais. Mais pas évident non plus de changer de la bouteille aux cannes, j'en suis bien conscient. C'est un investissement majeur, mais j'espère que ça viendra parce que présentement, je trouve que c'est un handicap. Et puis, c'est ça. Mais là-bas, c'était nice. Belle place, beau paysage. Je dirais que c'est dans la nature, là, tu sais. C'est forêt, terre agricole, tout ça, dans le haut, tu sais. On n'est pas dans le creux de la vallée comme à Saint-Joseph, là. On est sur un plateau, c'est en haut. Et puis, c'est très cool d'avoir ça. Il y a de la place. Il y avait un petit vernissage d'artistes aussi, quand je suis allé. C'était bien. C'est ça. Mais j'ai entendu dire qu'il avait perdu en cours parce qu'il voulait demander pour pouvoir agrandir. Mais puis en tout cas, ça n'a pas réussi. Je sais pas pourquoi je me suis pas... C'est des oui-dire que j'ai eu là-bas. Mais moi, je regardais la place. Puis je me disais, mais il y a de la place partout ici. C'est gigantesque, tu sais. C'est facilement exploitable. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'empiéter plus sur le paysage alors que il y a fait des étages, tu sais, fait de quoi, là, je sais pas. C'est drôle, pareil, ça me fait un genre de réflexe. Tu sais, j'étais allé à Manhattan dernièrement. Je vis à Montréal, tu sais, depuis quand, là? Depuis l'an 2000. Fait que c'est ça. On est habitué d'être de faire avec moins d'espace, tu sais. Puis j'étais allé à Manhattan, puis là, ça te frappe encore plus, puis ça m'a rappelé ça. Tu sais, tout ce qu'il arrive à faire dans un si petit espace, tout le monde collé ensemble, tu sais. Fait que quand t'arrives en région, dans le fond du bois, ben pas dans le fond du bois, mais creux, à Frampton, que c'est gigantesque, puis eux, ils disent qu'ils ont pas de place, tu sais. Moi, ça me dépasse, là, tu sais. Il y avait de la garnotte partout, la cour, il y avait juste des petites tables sur le bord. Du précipice, puis en bas du précipice, c'est comme c'est là le paysage, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je veux dire, il y a de la gravelle partout, tu sais, puis aménager ça, faire deux étages de terrasse, tu sais, comme tout est possible, là, vraiment. Fait que c'est vraiment un enjeu d'espace, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y avait vraiment beaucoup de place, là. Moi, j'ai pas des projets partout, là, ça m'allume bien raide. Fait que c'est ça. Mais bref, j'ai vraiment l'air de cracher sur les projets. C'est pas ce que je fais, pas du tout. Ils ont vraiment monté de quoi être big et puis ils essayent fort. Puis c'est tout à leur honneur et ça fonctionne et c'est très bien, tu sais. Puis ma brasserie fera probablement pas des produits aussi bons. Voilà. Alors, félicitations. J'ai passé un beau moment d'aller là. C'était très appréciable. Et puis, j'ai pas pu aller à Sainte-Marie, à la shop. Le magasin de micro de mon ami Philippe Robert. Je m'ai invité d'ailleurs. Il me dit, hey, il se passe dans le coin, je suis là. Mais j'allais pas du côté de Sainte-Marie pendant mon voyage. J'allais du côté de Saint-Georges et en hauteur. Fait que c'est ça. Ça sera pour une prochaine fois, mais merci de m'avoir tagué. Très apprécié. Puis, parlant de bière, on va sortir de la Beauce. Ça a été la fin de mon voyage. Et puis, parlant de Beauce. Excusez, je passais à une autre affaire. Parlant de bière, il y a un projet. J'avais dit dans des épisodes précédents que j'avais deux projets bière, pas directement mes affaires, whatever. Il y avait deux affaires bière par rapport à mes univers qui se faisaient. La bière Infernax de Pixel en était un, donc ça c'était... Moi j'ai rien à voir là-dedans, là, en passant. Ben moi je les ai pluggés ensemble eux autres, puis ils se sont arrangés ensemble, puis ils ont fait leur truc. J'étais comme juste content de pouvoir plugger les gens ensemble, puis ça réalise des beaux projets comme ça. Et puis ensuite de pouvoir accueillir ces projets-là dans mon établissement, au bar, bien sûr. Puis on a tout vendu la Infernax qu'on avait le soir de l'événement. Je sais pas s'il en reste encore au bar, ou si on en a racheté, ou s'il en reste au Québec, mais allez-y, Pale Ale est très bonne. Et puis, on en voulait aussi au magasin, où on aurait pu en laisser chez la voisine qui a une épicerie. Et puis, les gens auraient pu venir s'empoigner un pack là, à l'achat de tel machin. Mais on n'a pas... le timing n'a pas fonctionné. Le jeu Infernax est sorti plus vite que la bière. Puis, on pouvait pas retenir le monde parce que le monde était comme « Ouais, ils sont où les Infernax depuis des mois? » Fait que voilà. Fait que ça, c'est un projet. C'était pas tant mon projet, mais c'était un projet. Mais là, on a un autre. Il y a une autre chose bière qui se dessine, qui est plus mon projet avec d'autres, tu sais. Et puis là, ça se concrétise. Et puis, je suis vraiment content. On a une grosse étape de passer là-dedans. des nouvelles de ça officielles devraient plus avoir lieu fin octobre. Alors, je vous tiens au courant là-dessus. Mais il y a quelque chose de bière qui arrive. Fait que ça, c'est pas mal de fun. Et puis, ça m'a fait penser à autre chose. Qu'est-ce que je disais, donc? Je parlais des Infernax, tu sais. Juste faire une parenthèse rétro-MTL. Man, fucking Shredder's Revenge, là. Est-ce que j'ai hâte que ça sorte? Parce que là, nous autres, on va avoir les Limited Run. Mais là, il y a déjà les copies européennes en circulation. Ça a fait pareil avec Infernax, d'ailleurs. Fait que là, ben, je parle toujours pour Switch, là. Fait que là, le monde, nous autres, on a pu ouvrir les précommandes parce que habituellement, on peut pas Limited Run, mais là, on peut parce que pour une fois, on fait affaire directement avec Limited Run. Et puis, on nous a permis d'ouvrir les précommandes, chose qu'on a faite, fait que ça l'a précommandé en masse. Puis, là, les gens nous écrivent, c'est comme, hey, quand est-ce que je vais voir mon. Là, Kawabunga Collection est sorti. Là, le monde, ça l'a comme, c'est vrai, les Turtles. Là, il y a du monde qui pensait que Shredder's Revenge était supposé être sur cette collection-là. Whatever. Le monde s'est mélangé, tu sais. Fait que là, la version européenne est sortie. Les gens ont vu ça en circulation. Ils nous écrivent, où est mon Shredder's Revenge? Fait que là, je me suis copié-collé un petit message pré-tapé, tu sais, pour répondre à tous ces emails-là, pour dire aux gens qui sont pas arrivés encore les Shredder's Revenge Limited Run. Parce que c'est pas terminé. Et puis le jeu, il y a des patchs qui se font faire présentement. Puis le jeu de Limited Run va être livré avec toutes les patchs déjà mises dans le jeu. Le jeu va être plus complet. Et la version Limited Run est numérotée. Et elle va avoir le billet de pizza, là, le coupon de pizza. Fait qu'il va avoir des petites affaires. Nous, c'est cette version-là qu'on va avoir. Mais Limited Run vont également produire les jeux Turtles comme ça qui seront dans les Best Buy. Et puis les grosses places américaines. Ça, il y en aura, là. Il y en aura. Mais ça sera pas l'édition numérotée avec des petites gogosses de plus. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que là, Limited Run aussi ont été acquis par un autre business. Puis il va y avoir de plus en plus de jeux Limited Run. Fait que bref, c'est mélangeant. Mais j'ai hâte que le Limited Run officiel de Turtles Shredder's Revenge ship. Parce que le monde nous écrive quasiment quotidiennement par rapport à ça. Et puis c'est tout le temps la même affaire. Mais c'est intéressant, tu sais, pour en parler très vite, je dois dire que je suis pas tant au courant de qu'est-ce que ça va faire, Limited Run qui se fait racheter. Moi, je pense qu'il y en aura plus, et c'est tout. Puis, tu sais, l'aspect Limited Run, c'est plus... tu sais, au début, quand Limited Run annonçait un release, puis dans le temps, c'était juste pour PS4, là, il me semble. Le monde, c'est comme, je veux toutes les Limited Run, je veux rater aucun release. Mais là, maintenant, ils en produisent tellement des affaires. Ils en produisent trop, ils produisent des affaires qu'on s'en fout puis personne ne va commander. Là. Allo Bill & Ted Excellent Adventure compilation. Mais des affaires de même. Là, j'ai même vu qu'ils font des jeux Atari, tu sais. Pourquoi moi je voudrais un package de Warlords à 100$ quand j'ai mon cart à 1,5$, tu sais. Mais ça peut être bien beau, là, mais ça demeure juste fucking Warlord, là, tu sais. Les gens ils joueront pas plus. Fait que ça, c'est bizarre. Mais bref, il y en aura plus, puis moi, ça me convient bien assez, parce que j'achète pas les Limited Run parce qu'ils sont rares ou parce que whatever. Si tu me donnes le choix entre toutes, oui, je vais prendre les Limited Run parce que le tirage est plus limité et qu'il y a plus d'affaires dedans et que c'est la version la plus collector des autres, si je peux dire, comparé à en acheter un qui aura au Best Buy en quantité industrielle, tu comprends? Si tu as le choix entre les deux, moi, je vais toujours pour le plus intéressant pour la collection, tu sais. De là, mon intérêt pour les jeux US et les Five Screws et ces affaires-là, c'est juste de l'affûtement de collection, de l'affûtage. Mais malgré tout, moi, plus il y en a, tant mieux. Parce que moi, ce que j'aime, outre ça, c'est que juste les jeux se fassent faire physique, tu sais. C'est tout ce que je demande. Fait que ce soit Limited Run, numéroté ou non, ou que ce soit PAL ou je sais pas quoi, au moins, ça m'en prend une copie, tu sais. Puis c'est ça que j'aime dans les jeux Switch et c'est tout, tu sais. Fait que même si on y double leur production, quadruple leur production, tant mieux d'une certaine façon parce que le marché, la revente, il va en avoir deux fois plus et puis tu n'auras plus des Celestes à 200-300$ puis des Messengers à 500$ puis des affaires de même, tu sais, si tout le monde en fait plus, j'imagine. Fait que on verra bien. Mais ça m'inquiète zéro. T'sais, je vois pas pourquoi cette entreprise-là aurait acheté Limited Run pour la faire planter ou pour scraper la business ou le modèle d'affaires. T'sais. Fait que ça va continuer comme ça. Ah, combien de temps là, que je parle? 40 minutes. Ah, j'ai tellement chaud là. Je ferme la porte quand j'enregistre. Et puis, il fait chaud en maudit. Il y aura une réunion au CCJVQ, ça, samedi, le... Samedi, ça va être quelle date, ça? Ça va être quelle date, ça, samedi? Ah, je suis épuisé. 17. Samedi, le 17 septembre, à 10h, au collège André Grasset, à Montréal, il y aura une réunion au CCJVQ. Et Retro MTL sera présent. Donc, j'irai avec Joe et Fred, donc les trois propriétaires de Retro MTL, seront présents. Les trois. Et puis, mais on n'amènera pas grand-chose par contre, parce que là, on voulait amener beaucoup de choses, et puis là, Fred finalement, il peut pas faire garder son petit, c'est compliqué, il pourra pas être là tard, Joe non plus, fallait qu'il revienne plus tôt, puis il est en transport en commun, moi cette journée-là, à ma maison, il y a genre, on a des couples, puis des familles d'amis dans le quartier, ils font des tomates. Genre, ils font des tomates, ils louent tout le kit, ils font des tomates. Puis là, en fin d'après-midi, puis le soir, le party s'en va chez nous. Puis là, c'est la fondue chinoise pour 18 personnes, tu sais. Fait que ma blonde est un petit peu dans le stress de ça, puis moi, il faut que je soutienne aussi. Fait que tout ça, c'est dessiné au travers de... Fait que voyez-vous, c'est mal timé, tout ça. Fait que Retro MTL sera présent, on va avoir trois tables, et puis on va amener une table... qu'on va mettre des affaires personnelles dessus, mais ça, c'est surtout Joe puis Fred. Moi, j'aurais pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Mais deux, trois petites affaires. Mais sinon, on va ramener des affaires du magasin. On va pas ramener des jeux, mettons, NES. T'sais. Tu vois, c'est ça que j'ai vécu. Il y a des jeux NES, Super NES, 64 sur toutes les tables. T'sais. Fait qu'on a pas besoin d'amener l'inventaire du magasin au CCJVQ. On va ramener des affaires un peu différentes. T'sais. Nos collecteurs de Switch, PS4, des jeux neufs, des gros jeux chers, des affaires de collection, des affaires cool de même. Fait qu'on va amener ça, et puis tout sera sans taxes. On a programmé un bouton dans la caisse où est-ce que ça va enlever les taxes. Fait que on paye les taxes! Les boss payent les taxes, tu sais. Fait que ce que vous achetez de Retro MTL au CCJVQ, il n'y aura pas de taxes pour vous. Et puis, il n'y en aura pas, bien sûr, pour nos affaires personnelles. Et puis, voilà. Puis, on va emmener des boîtes aussi, nos boîtes de 64, nos boîtes de Super NES, des livrets. Je ne sais pas si on va en amener tant que ça. C'est lourd, ça prend de la place, puis le monde n'en achète pas tant. Mais on va emmener des boîtes, puis ce genre de cossin-là. Vendredi prochain, cette semaine, moi et Joe, on va faire un tri. Fait qu'on va emmener tout ça. Mais on va décamper vers 2 heures environ. Ça ouvre à 10, puis nous autres, on va partir à 2 pour retourner dans nos familles, donner du support. Fait qu'on sera pas là si longtemps. Mais on va être là, et puis on va être heureux. Et puis j'espère bien, la dernière fois, j'avais trouvé pas mal de jeux Super NES pour mon set. Fait que, puis il y a tout le temps 2-3 petites affaires au travers aussi. Amenez-vous de l'argent, il y a tout le temps des belles choses. Donc, puis c'est le fun, cette réunion-là, elle vient vite quand même. L'autre, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, on sera présent. Et puis, voilà, c'est à Montréal, Collège André Grasset. Quoi d'autre? Ah, j'ai reçu Cosmic Commuter sur Atari 2600, complet en boîte. Ça complète le set Activision Atari 2600 complet en boîte que je travaille dessus. Je travaille passivement depuis tant d'années. C'est même pas tant du travail. Je fais juste comme quand je les ai pas, je les accumule, je les achète, tu sais. Puis il n'y a aucun de ces jeux-là, à part Cosmic Commuter, que j'ai chassé, tu sais, sur eBay, genre, puis en étant en checkant ça comme il faut pour vraiment l'acquérir. Tout le reste, les jeux Activision. Il y a deux séries Activision. Il y a la série standard et la série special. La série standard, c'est tous les jeux que vous connaissez. Là, Dolphin, Keystone Capers, Pressure Cooker, Frostbite, avec les pochettes multicolores et tout. Puis la série special, c'est genre Ghostbusters, River Raid 2, Double Dragon, Rampage. Donc des franchises, tu sais. Private Eye, Pitfall 2, Cosmic Commuter, bien sûr. Hero, je l'étudie. Le meilleur jeu Atari 2600, comme tout le monde dit. Fait que ceux-là sont vraiment plus difficiles à trouver. Et puis, je les ai tous trouvés tranquillement avec le temps, ici et là. Puis quand je dis avec le temps, c'est pendant des années, tu sais, à un par année ou whatever. Puis finalement, je suis tombé sur un Cosmic Commuter sur eBay, parce que ça, je l'avais activé sur eBay. Puis ça fait très longtemps que c'est activé, mes notifications là-dessus. Puis il y en avait un par année, deux par année qui passaient, et puis ça coûtait 500-600$, puis ça disparaissait, puis tout. Je voulais pas payer 500-600$ pour ça, tant que ça, tu sais. Puis là, la semaine passée, comme par magie, tu sais, puis cette notification-là est allumée sur mon téléphone, comme j'en ai d'autres pour des affaires Atari, que je sais que ça ne popera jamais, mais qui sait. Puis, mais celui-là, j'y croyais un petit peu plus. Puis là, la semaine passée, j'ai dit, ben, allez voir, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, là. Il y avait ça. Puis la boîte est un petit peu maganée. Puis c'est pour ça que je pense qu'elle était moins chère que les autres. Elle était 260 US. Fait que avec le shipping, toutes les affaires, la conversion de tout, ce jeu-là m'a coûté 340$. Mais les autres que je voyais, ils étaient comme 500 en montant, tu sais. Fait que je trouve que j'ai eu un très bon prix. Puis oui, la boîte n'est pas parfaite, mais sérieux, elle est quand même vraiment pas si pire que ça, là. Fait que je l'ai aplati, j'ai repassé des petites places, j'ai recollé des petits coins, puis j'ai tout fait ça beau, j'ai mis ça dans un protecteur. Puis ben, c'est terminé, c'est complet. Je suis vraiment content. Fait que c'est un beau milestone, sérieux. Pas facile de compléter final, les trucs Atari 2600 que je fais. Tu sais, j'ai toute la série Parker Brothers, mais il m'en manque. Il m'en reste un tiers là, qui n'est pas en boîte. Toute la série Zellers, Atari Zellers. Donc, Zellers ont fait des contrefaçons de jeux Atari dans le temps, puis ils vendaient ça. J'ai tout, mais juste 2-3 jeux en boîte. Les boîtes sont pas belles, de toute façon, mais c'est ça. Et puis, Silver Label, il me reste genre 4 jeux, 4-5 jeux, dont ça va être extrêmement difficile de trouver ça complet en boîte. Et puis, les Red Label, les boîtes rouges, il me reste BMX Air Master à avoir, version US, puis ça va être dément comment ça va être difficile à avoir. Il y a la version TNT, si jamais vous faites une recherche, vous allez voir 1000 BMX Air Master TNT. Mais la version Atari 2600, Redbox, pas pâle, impossible. Fait que c'est là que je suis rendu. Mais c'est correct. Je suis pas stressé. Ça, c'est complet. Je suis vraiment bien content d'avoir ça. Je vais vous montrer un autre item qu'on a reçu. Chez Retro NTL. Celui-là, je vais me le garder. Il s'agit d'un Intellivision System 3. INTV System 3, complet en boîte. C'est-tu pas beau, ça? Moi, j'avais déjà cet appareil-là. Tiens, t'as beau logo. Fait que, dans le fond, l'histoire de ça, c'est qu'Intellivision, c'était Mattel au début. Et puis après ça, quand Intellivision s'est fait vendre, il y a des gens qui ont racheté Intellivision pour faire INTV Corp, comme ça. Et puis, ils ont ressorti des jeux, des nouveaux jeux. Puis ces jeux-là sont vraiment rare et cher et tout ça. Puis ça, c'est le système 3. Il y a 4 Intellivision, consoles Intellivision au total. Il y a le premier, wood grain en bois que tout le monde connaît. Le deuxième, qui est comme plus petit, gris carré, là, comme futuriste un peu, qui avait eu un keyboard avec ça, un clavier d'ordinateur, plein d'affaires. Le 3, comme ça, c'est une autre époque, c'est rendu INTV, donc c'est plus Mattel, c'est plus Intellivision de dans le temps. Fait qu'on est rendu là. Puis il y a un système 3 comme ça aussi de INTV que c'est écrit Pro Sport dessus parce que INTV ont sorti beaucoup de jeux de sport puis c'était tout le temps Pro Sport, basketball, Pro Sport, skiing, Pro. Ben, pour la plupart, tu sais. Fait que moi j'aimerais vraiment ça, avoir la finale, tu sais, la plus. C'est pas les plus vieux qui sont intéressants quand on parle d'Intellivision parce que les plus vieux c'est les plus communs, tu sais. Rendu vers la fin, tout le monde se colissait d'Intellivision. Fait que personne n'a acheté ça, mais il y en avait ces tablettes, tu sais. Fait que c'est là que ça devient intéressant, que c'est rare, que c'est cher. Fait que c'est ça. Fait que moi j'avais déjà cette console-là que depuis très longtemps, genre depuis 10 ans même. Pas 10 ans. C'est depuis 8 ans à peu près. Et puis mes manettes dessus par contre. J'ai le système 3 chez moi, mais dessus, il y a des manettes de système 1. Puis tu peux pas interchanger les manettes. Faut que tu ouvres la console parce que c'est comme plugué à l'intérieur, tu sais. Fait que je soupçonne que quelqu'un a acheté une Intellivision dans le temps. Il a tellement joué, puis il a tellement eu de plaisir que les manettes marchaient plus. Et puis tu retournais ça chez Sears, puis eux autres, ils envoyaient ça réparer. Fait que la personne s'est fait mettre des manettes de système 1 dessus, tu sais. Fait qu'il va super bien, mon Intellivision, mais j'aime bien avoir, tu sais, le vrai affaire. Puis la boîte, je la trouve vraiment belle. C'est du vieux shit. Fait que voilà ça. J'ai un upgrade de ça. Je vais faire un post Facebook là-dessus. Mais Je vous en aurai parlé en primeur ici. Alors, on sait si j'ai vécu, j'aurai mon autre Intellivision System 3 à vendre. Parce que j'ai vendu toute ma collection, mais j'ai gardé mon flashcard. Ainsi, je peux jouer à l'Intellivision quand je veux. Parce que j'aime bien jouer à l'Intellivision. Des fois, j'aime savoir que je peux jouer à l'Intellivision. Puis, quand on décide de l'essayer avec des amis, on a du plaisir à avoir quand même, de temps en temps. Ah. Fait que, c'est ça, il est quelle heure, là? 9h49, ça fait 49 minutes que je parle. Fait que, ça va être pas mal la fin. Je me demandais si j'allais pas parler de politique un peu aujourd'hui. Je sais pas si je vais m'insurger en parlant de politique, bien sûr. Je me sens déjà un petit peu fatigué, fait que je pense pas. Il me semble qu'il y a un débat des chefs ce jeudi. Ça, j'ai bien hâte d'écouter ça. Ça va être très intéressant. Là, comme il disait, c'est des duos. Pas des duels, des duos, mais tu sais, c'est clairement des duels, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment... Ça va être intéressant, tu sais. Québec solidaire contre le Parti conservateur, qu'est-ce qu'il va se dire, et tout le monde ensemble. Ça va être très, très, très intéressant. J'ai hâte de voir ça, donc je vais suivre ça avec attention. Je pense que ça va être... ça sera pas surprenant, je veux dire, la CAQ va passer, c'est sûr. Là, j'en suis totalement convaincu. Mais j'ai hâte de voir le reste, parce que... Je connais pas l'historique, là. Je connais pas historiquement toutes les phases du Québec, mais je pense que ça va être la CAQ, Québec solidaire, le Parti conservateur, puis après le Parti libéral, tu sais, puis après le Parti québécois. Libéral va être bas, là, cette année, là. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant au Québec, comment est-ce que ça va se redessiner, là, tu sais. Puis moi, ça m'intéresse tout ça. Parti libéral, man. C'est tellement statu quo, c'est tellement voté pour rien, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va se passer plus d'affaires. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Mais j'embarquerai pas là-dessus. Donc, ce sera tout. On fait beaucoup de tournois chez Arcade MTL. On relance ça pas mal. Donc, si vous voulez faire des tournois de Smash, Double Dash et j'en passe, on réactive tout ça. Et on s'amuse, ça roule, c'est bien. Et puis, j'ai pas d'autres grandes nouvelles à annoncer pour l'instant. Mais merci d'avoir été là, chers amis. Et puis, écoutez, demain, Rétro Nouveau. Là, à moins que les gars, ils cancellent ça tantôt. Fait que rendez-vous sur Twitch demain soir à 8h pour Rétro Nouveau, le 14 septembre, mercredi 14 septembre. Et puis, on se voit peut-être au CCJVQ samedi. Passez me voir, dire allô, ça me fait toujours plaisir. Si je suis pas là, c'est parce que je chasse le Super Ness dans les alentours. Donc voilà, merci à tous et puis à très bientôt.